1. Pas de phrase pour le chiffre 1. La certitude des certitudes. La mort. 2. Deux époux qui dansent jusqu'à la fin avec leur précieux fardeau. 3. Ils sont trois au monde. Trois familles. De la Genèse à l'Apocalypse. 4. Quatre outils carrés, outils dévoués à tous, qui outillent de magie les ouvriers. 5. Cinq parties pour la main de l'homme, observateur de l'étoile 5 et des 5 continents. 6. Six robots actés par l'électricité qui se cachent dans la toile. 6. Six fois cherché, le miroir te montrera un dieu. 7. Sept planètes, lune ou soleil, guidant de cette façon sur le chemin de l'infiniment petit à l'infiniment grand et inversement. 8. Huit directions où roule le feu du ciel. 8 juges qui couchent le 8 illimité. 9. 9 comme l'œuf, 9 lunes font les mers. 9 graines de pommier, enceinte du zéro, devenue l'ami du 1.